On prend les mêmes et on recommence. Elle pensait les avoir convaincus de la force de son amour pour Maxime, en avoir fini avec leurs doutes et remises en question. Mais non, malgré un accueil chaleureux à la gare de Lugano, le soufflet retombe presto quand les parents comprennent que Faustine n'a pas l'intention de quitter Maxime ni de revenir vivre avec eux. Alors les triangulations et les insinuations vipérines reprennent de plus belle. Faustine passe des heures à défendre sa cause auprès de son frère. Stéphane exige des précisions détaillées suite aux allégations maternelles. Faustine s'insurge. Non, elle n'est pas la fille perdue qu'on voudrait faire croire. Oui, elle se mariera et aura des enfants comme tout le monde. Oui, Maxime tient à elle et fera d'elle une honnête femme, sitôt que les circonstances le permettront. Laissez-lui le temps, bon Dieu! Elle s'acharne, car elle tient beaucoup à gagner la confiance et le soutien de Stéphane. Après tout, quand leurs parents auront disparu, il sera sa seule famille. Elle aime son petit frère et n'a pas du tout envie de perdre le contact. Une fois de plus, au cours d'un repas mouvementé, elle remet les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. Quand sera-t-elle enfin débarrassée de toutes ces étiquettes péripatétiques, mensongères et tellement stupides? Après une bonne gueulée, une trêve tacite est instaurée. Finalement, les fêtes se poursuivent, comme d'habitude, au gré des humeurs de la reine-mère, qui sombre de plus en plus dans l'alcoolisme. Il y en a que l'alcool rend pleurnichard, d'autres qu'il rend violent. Pas elle. On sent qu'elle a atteint sa limite, quand telle une vouivre, elle se retourne contre vous et vous pique impitoyablement d'un sarcasme senti. Elle sait taper où ça fait mal. Faustine a l'habitude d'esquiver. Mieux, elle évite désormais les provocations. Ne pas réveiller la bête. Mais elle s'ennuie de son amoureux. Elle se languit du jour où ils se retrouveront enfin libres et sereins. Heureusement, Maxime, lorsqu'il appelle pour lui souhaiter un joyeux Noël, la distrait provisoirement de son marasme. « Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi ?»« Tout ce que tu veux, mon chéri. Avant que tu rentres à Paris, je voudrais que tu ouvres un compte à ton nom, à l'UBS, Union de Banque Suisse. J'ai l'intention de l'alimenter régulièrement. Avec plaisir, je vais faire ça dès l'ouverture. Et dès que ce sera fait, tu m'envoies le numéro, que je puisse transférer une provision avant que tu commences tes travaux dentaires. » Ah, ça, c'est chic d'y penser, j'ai failli oublier. Pas moi, tu vois, je ne suis pas si radin que tu veux bien le faire croire. Avec cet argent, tu iras voir Jacques, tu sais, notre ami clarinettiste. Il a son cabinet à Corbeil. C'est à peine à une demi-heure de train de Paris. Tu verras, il est hyper compétent. D'accord, merci mon amour. Faustine ouvre le compte dès le lendemain. Pendant qu'elle était à la banque, les trois autres en ont profité pour faire le plein de provisions. La veille de Noël, le repas se compose d'une salade Waldorf, d'un pâté en croûte et d'une bûche au marron. On s'échange de menus cadeaux. La mère ne snobe personne cette année. Elle n'en a pas les moyens. Les jours qui suivent, on se promène, on lit, on va au cinéma. Toutes ces petites choses qu'on fait d'ordinaire pendant les vacances. On profite même du temps radieux pour visiter le Monte Generoso. Le 29 décembre, on apprend à la télévision que le président de la République française va accorder à l'armée les 15 milliards qu'elle demande. Accroissement de déficit oblige. Le gouvernement décrète alors une hausse d'impôts de 36 milliards, passant par la TVA et le droit d'assises, impôts indirects sur la consommation, voire le seul commerce de certains produits, tabac, alcool, pétrole et ses dérivés. C'est le peuple qui va être content. Joyeux Noël et bonne année 1982. Le 31 décembre, on opte pour un grand classique du réveillon suisse, la fondue chinoise. Cette fois, Faustine évite de jeter le précieux bouillon. Ensuite, on décidera si on sort prendre le dessert dehors ou pas. Par principe, on garde toujours un vacherin glacé au congélateur. Mais peut-être qu'on sortira aux alentours de 22h admirer les feux d'artifice. C'est tentant. Toutes les communes environnantes s'y mettent, ce qui fait que le tour du lac de Lugano est tout illuminé. On ne sait plus où donner de la tête. Évidemment, sitôt rentré, Stéphane exige qu'on fasse péter les incontournables bombes surprises, celles qui contiennent des tas de petites cochonneries, serpentins, faunets, boules collantes, sifflets et autres moustaches en plastique. Comment le lui refuser? On s'en défend, mais dans le fond, tout le monde adore ça. Après quoi, on attend minuit, lové devant la télévision qui passe, comme chaque année, la revue du Lido, avec son quota de femmes à plumes et à poils. Papa est tout émoustillé et maman rouspète. Flûte, il va encore vouloir me sauter dessus après. Le 3 janvier au matin, Faustine quitte le Tessin et ses parents dans leur marasme économique. Pour eux, l'avenir se présente mal. Après avoir possédé leur propre entreprise, il leur sera pénible de s'inscrire au chômage, ce qui leur pend au nez, et papa a eu beau exploiter toute la liste de ses anciens contacts, ceux-ci ont bien trop à faire avec leurs propres soucis. À 61 ans, papa, et 48 ans, maman, il va leur falloir tout recommencer. Faustine est bien triste pour eux, mais ne se sent pas moins impuissante. Les dommages sont trop importants pour qu'elle puisse y remédier seule. Et après tout, ils ne lui ont rien demandé. En outre, elle a ses propres priorités. Celle de s'occuper de ses dents pour commencer puisque Maxime lui donne carte blanche. Elle prend rendez-vous chez Jackie comme prévu. Il répare les dégâts entre deux clients, ne lui demande pas un sou pour le faire. Est-ce que Maxime s'en doutait pour qu'il l'envoie chez lui? Ça ne l'étonnerait qu'à moitié. Mais il laisse tout de même entendre que les travaux sont loin d'être achevés. Si Faustine veut garder ses dents jusqu'à un âge avancé, il faudra qu'elle s'en occupe sérieusement aux USA. Faustine note et soupire. Elle espère que Don White aura tenu sa promesse de prendre une bonne assurance pour les membres de son personnel et leur famille. À Paris, Faustine retrouve la famille Laclairière avec joie et soulagement. Eux ne sont peut-être pas normaux, mais au moins ils s'assument. Et en ce qui concerne Julie, surtout, ce sont des gentils. S'il se moque d'elle, c'est drôle, jamais cruel, et elle n'est pas obligée de chercher le sous-entendu derrière chaque parole. Ici, pas de venin. Ils ont sûrement leurs défauts, mais pour le moment, Faustine n'en a pas encore souffert. Les soirées reprennent comme à leur habitude. La complicité entre Faustine et Julie se confirme. Elles se racontent leurs vacances. Faustine bave d'envie quand Julie lui décrit la fabrication du foie gras façon Pierre Perret, qui est un de leurs plus grands amis. Il les a invités pour une dégustation pas piquée des verres. Tout, vous serez tout sur le foie gras. Dès lundi, Faustine reprend du service pour Manpower, dans un labo pharmaceutique cette fois, où il faut mettre à jour les bases de données. Un boulot excitant comme on peut s'en douter. Le travail suivant est plus intéressant, pas professionnellement mais par son contexte, puisqu'il s'agit de l'agence Bélier à Neuilly, une agence de publicité très cotée sur le marché. Créée par Claude Douce en 1971, elle est devenue un groupe comportant 35 sociétés employant 1400 personnes. Dixit le panneau qui accueille le visiteur dès qu'on franchit l'impressionnante baie vitrée. Elle est la deuxième agence française sur le marché, commente fièrement David. Le jeune homme au visage d'ange qui dirige le projet auquel on a adjoint Faustine. Partout sur les murs sont exposées les photos des produits. Lotus, Candia, Bic rasoir jetable, etc. Autant de très gros clients. David précise que le succès de l'agence est dû à certaines innovations audacieuses. Comme les encarts puzzle dans les magazines par exemple, ou encore l'utilisation de la couleur dans les quotidiens, ainsi que la pub sur les aires d'autoroute. Faustine écoute religieusement. Pendant 15 jours ou presque, elle va apprendre à travailler pour hier, à décrypter les séances de brainstorming et photocopier des milliers de pages. Son passage chez Rank Xerox trouve ici toute son utilité. Les relier et enfin les faire envoyer par coursier dans tous les coins de Paris. Ici, on commande un seul cliché à un photographe à la mode pour un prix écœurant, et il a intérêt à arriver vite, vite, le patron attend. Ici, l'argent ne compte pas. Bienvenue dans l'antre du snobisme, de la superficialité et du mensonge. Faustine aimerait bien voir un atelier de photographie en vrai, avec ces jolies filles qui prennent la pose et qu'on adule. Et si on la remarquait ? Tu parles, tu n'as aucune chance, lui dit David. Tu es bien trop normal. Ici, on ne photographie que les porte-manteaux. Et encore, on les retouche tellement qu'il ne reste plus rien de l'original. Mais pour le moment, notre boulot, ce n'est pas ça. Nous devons faire entrer un éléphanteau dans un fourgon Toyota, juste pour démontrer la solidité du véhicule. Faustine trouve un peu léger comme argument. Elle aurait bien ajouté un cobra royal à la chose pour faire plus excitant. Mais bon, si c'est ainsi qu'il le voyait. De retour rue de Longchamp, mauvaise nouvelle. Elle ne recevra son permis de travail que dans 3 mois. Elle se jette sur le téléphone et réveille Maxime. « Ah non, pas question. Ils t'ont laissé bosser depuis 2 mois sans papier valable. Ce sont des salopards. Tu vas venir aux Arcs et rentrer avec moi ensuite. Comme tu dois revenir en juin pour ton titre de séjour, tu prendras l'autre en même temps. C'est tout. Je refuse d'être séparée de toi 1 minute de plus que nécessaire. Débrouille-toi. »« Bien, mon amour, et de ton côté, des nouvelles ?» Non, hélas, rien de concret. Don White refuse ma proposition d'ouvrir une antenne française que tu dirigerais. De même, il ne souhaite pas que nous travaillions 4 mois aux USA pour 8 en France. Il prétend avoir trop besoin de moi pour superviser les opérations aux USA et au Canada, mais je pense qu'il n'a pas confiance. La réputation des petits Français qui n'en fichent pas une est coriace. Par contre, on pourra y aller, en France, 6 fois par an pour des séminaires. Chacun sera assorti d'une semaine de vacances et tes voyages seront payés pour que tu puisses m'accompagner. Et finalement, il prévoit quand même d'ouvrir une agence à Paris, mais pas avant 1983. Bah, il y a pire comme nouvelle. Je te retrouve aux Arcs le 6 février alors. Mais oui, et on rentrera directement après. Faustine raccroche. Elle soupire. Oui, elle adore la montagne. La neige qui crisse, le froid piquant, l'odeur de térébenthine émanant des sapins. Ce qu'elle préfère par-dessus tout, ce sont les premières lueurs de l'aube quand les sommets passent en contre-jour. Ils deviennent plus mystérieux encore. Staccato émerge d'entre les pics les rayons roses, jaunes, oranges enfin, qui se reflètent en face sur les pentes neigeuses. De minuscules nappes de brouillard parsèment le paysage. Avec un peu de chance et de bons yeux, on surprendra éventuellement le déplacement d'un troupeau de chamois. Voilà ce qu'elle aime, Faustine, cette impression de se sentir toute petite, protégée, face à des éléments si impressionnants qu'elle a envie de les appeler Dieu. Rien à voir avec ce flot ininterrompu de sauvages qui dévale les pistes à la course, qui fait la queue au tire-flemme en se bousculant et qui rote grossièrement en sortant des bistrots. La poésie en prend un coup, là. Autant elle se réjouit de retrouver son chéri, des vacances, c'est toujours bon à prendre, autant elle redoute l'épreuve du ski. Elle préfère de loin la presqu'île. Faustine craint surtout d'avoir mal aux pieds. Elle a beau choisir les chaussures les plus larges, sa cambrure plantaire est si forte que la circulation sanguine se coupe au bout de quelques minutes à peine. Ses pieds deviennent des blocs de glace et la douleur lui coupe les ailes. Elle en est toujours au chasse-neige, désespérant d'évoluer. Maxime, lui, part à l'assaut des pistes noires sans coup férir. Si elle supplie qu'il lui fiche la paix, la laisse qui est seule, il compte les minutes. L'observe en douce, puis exige qu'elle l'accompagne sur une piste rouge, car, dit-il, elle en est parfaitement capable. Là, abandonnant la jeune femme tout en haut de la piste, il descend à fond les manettes, non sans lui avoir crié « Regarde-moi, c'est facile, tu n'as qu'à suivre !» Avant même qu'elle ait pu réagir, elle est myope, ne l'oublions pas, il est déjà très loin. Elle n'a rien vu du tout. La piste est raide, il fait froid, il n'est que 10 heures du matin, ils sont à 2 400 mètres d'altitude et le soleil sort à peine. Faustine meurt de trouille, frigorifiée, abandonnée, pauvre petite chose qui déteste la vitesse. Quand enfin elle se lance, c'est en tremblant. Les autres skieurs, passant comme des flèches, l'engueulent au passage. « Mais enfin, madame, ne restez pas plantée au milieu de la piste. Ôtez-vous de là. Vous ne voyez pas que vous gênez ?» Alors, quand elle arrive à hauteur de Maxime qui l'attend impatiemment 2 kilomètres plus bas, L'insulte fuse, violente. « Vieux con, t'es qu'un vieux con, je te déteste !» Ce à quoi il éclate de rire. Pourtant, le soir venu, il lui susurra gentiment à l'oreille. « Con peut-être, mais pas vieux, hein, dis, pas vieux !»